Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousu main, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, le RER a 50 ans, une série de Christelle Le Polothek réalisée par Anne Fleury. Au départ de cette série, il y a un anniversaire, un son reconnaissable et des souvenirs de foule à la gare Saint-Lazare. Il y a des paysages qui changent, des trains en panne et puis aussi les Trente Glorieuses, des inégalités territoriales et un beau livre qui met de la poésie partout. Alors pour commencer, les personnages. Une sociologue sur les traces de Maspero, un économiste qui suit la ligne B et les inégalités, des travailleurs usagers, un urbaniste usager et un journaliste sur le terrain. Ensuite le décor. Aulnay, Roissy, des gares, des parkings, la Courneuve, des entreprises, des lignes saturées, des trains vieillissants, la clim, Massy, Orsay, Saclay, la vallée de Chevreuse, des randonnées et des châteaux. Aujourd'hui, 4e épisode, on ouvre un livre. RERB, voyage social. Depuis une dizaine d'années, les trains du RER portent, selon leur destination, des petits noms de 4 lettres. De A à J, ils vont tous vers le nord, de K à Z, vers le sud. Ou le contraire, je ne me rappelle jamais. Il y a de tendres Lily, Emma, Papy, de carrément farouches Knut. Un temps, il y eut Prut. Et puis un beau jour, allez savoir ce qui s'est passé dans la tête aux cheveux arrachés des ingénieurs de la RATP ou de la SNCF, parce qu'il ne faut pas oublier que ce RER-là, c'est une interconnexion. Un jour, Prut a disparu, volatilisé. Prut, Knut, Papy, Lily, chacun de ces petits noms correspond à une mission. Ainsi, entre Gare du Nord et Aulnay-sous-Bois, Gus ne s'arrête pas aux stations où s'arrête Épi, sauf au Bourget, et vice-versa, naturellement. Ou le contraire, je ne sais plus. Des trains qui jouent à saute-mouton. François Maspero, les passagers du Roissy Express. Qu'est-ce qui vous avait poussé, vous, Marie-Hélène Baquet, à faire ce trajet, à suivre les pas scrupuleusement, d'ailleurs, de François Maspero? Ça a commencé exactement là où il avait commencé. L'ouvrage de François Maspero m'a beaucoup marqué quand il est sorti. J'étais alors jeune architecte et j'habitais en Seine-Saint-Denis. Et c'était un des seuls ouvrages qui parlait vraiment de la banlieue parisienne et qui en parlait avec beaucoup de sensibilité et en même temps avec une dimension historique qu'on retrouvait pas dans d'autres ouvrages. Donc ça, ce qui permettait de sortir des clichés qui déjà existaient sur la banlieue parisienne. Donc c'est un ouvrage qui m'a marqué comme, voilà. Et d'ailleurs je m'aperçois maintenant que notre ouvrage est publié que je ne suis pas la seule et que c'est un ouvrage qui a marqué quand même beaucoup de lecteurs. Et puis 30 ans après, je me suis dit que ça serait intéressant de refaire ce voyage parce qu'on en était à une nouvelle phase de développement de la région parisienne. François Maspero avait fait son voyage en 89, c'est-à-dire au moment où la politique de la ville était en train de se développer. Il y avait les programmes banlieue 89, la question des banlieues arrivait vraiment dans l'espace public politique. Et aujourd'hui, 30 ans après, on est en train de construire le Grand Paris, qui est à la fois une structure institutionnelle et puis un grand système de transport. Donc j'ai eu envie de faire le point sur où est-ce qu'on en était aujourd'hui de cet espace parisien. Vous êtes resté donc une nuit, un mois, et puis une nuit dans chacune des gares, ça à peu près, Donc, ils partiraient pour un mois loin de chez eux, disant adieu aux leurs, comme on part pour n'importe quel pays que l'on veut visiter. Je vais sortir ma vieille carte. Ouais. Ils noteraient. Elle photographierait. Parce que là, les champs, on les voit pas. Ce serait une balade le nez en l'air, pas une enquête. Il n'avait nullement l'intention de tout voir, de tout comprendre et de tout expliquer. La règle de base, celle qui conditionnait toutes les autres, c'était de prendre le RER de station à station et à chaque fois de s'arrêter, de trouver à se loger et de se promener. Non, mais appelle-moi, que tu vois, appelle-moi. 1989. François Maspero, accompagné de la photographe Anaïk Franz, décide d'entreprendre un voyage le long du RER B. Chaque jour, depuis Roissy-Charles-de-Gaulle jusqu'à Saint-Rémy-les-Chevreuses, ils dorment dans une ville différente. Ils partent à la rencontre des habitants, arpentent les environs, les friches, les grands ensembles. Parfois, ils s'égarent, traversent les échangeurs d'autoroutes et ressuscitent des lieux oubliés de la banlieue, comme cette gare de Frainville-Sevran, créée en 1899 pour desservir les ateliers Westinghouse où l'on fabriquait des freins ferroviaires. L'usine a fermé en 1998, mais le quartier a gardé son nom et la gare est devenue une station de tramway. Pour le lecteur d'aujourd'hui, les passagers du Roissy Express, c'est un voyage dans la banlieue, mais surtout dans le temps. Maspero écrit son livre quelques mois avant la chute du mur de Berlin. Et dans les nombreuses villes communistes qu'il traverse, rien ne laisse présager les bouleversements à venir. 30 ans plus tard, nous entamons à notre tour cette traversée du RER B. Sur la carte, Roissy apparaît complètement inséré dans le périmètre de l'aéroport. Mais le trajet a été assez long, avec encore ses tours et ses détours déroutants, pour que l'on puisse se croire loin. Aucun avion ne survole le bourg. C'est peut-être cela le fameux calme dans l'œil du cyclone. Et pas un être humain visible. Quelques immeubles à quatre étages en briques assez coquets, genre HLM de chef-lieu de canton, alternant avec des maisons de maître fin 19e, des arbres, des fleurs et des terrains vagues. Peu de commerce. Un antiquaire qui est plutôt comme souvent un décrochez-moi ça, et une quincaillerie bazar qui n'en a plus hélas pour longtemps. Près de l'église, de grands et précieux cèdres noirs marquent l'emplacement du château qui fut celui de Monsieur Lowe. Première étape de ce voyage, dans les pas de François Maspero, le petit village de Roissyville, avec la sociologue Marie-Hélène Baquet. Alors voilà, on est à Roissy, devant un panneau, et dans tout le village, il y a tout un parcours de panneaux historiques qui nous montrent ce qu'était l'ancien village de Roissy, donc un village rural jusqu'à la construction de l'aéroport. Et qui est montré comme étant un village authentique de l'île de France ou du pays de France. Et c'est donc à ce titre qu'un certain nombre de touristes viennent le visiter. Un village qui pourrait presque faire penser à un village Disney. Et puis en arrière de ce village, eh bien, il y a tous les secteurs où habite toute une partie de la main-d'œuvre qui vient travailler régulièrement à Roissy. C'est en quelque sorte, on pourrait dire, l'arrière-chambre ou l'arrière-cuisine de l'aéroport. Il y a une hiérarchie sociale dans ces villages et plus on s'éloigne, plus ces villages sont populaires. Et par exemple, si on va juste après dans le village du Tillet, qui est plus important, notamment dans le centre, qui est très déqualifié, très assez dégradé, on a une population ouvrière ou d'actifs peu qualifiés, très souvent issus de l'immigration. Il arrive. Oui. Donc là, Marie-Hélène Becquet, on va quitter donc le village fleuri de Roissy en France. On va retourner à l'aéroport pour prendre le RER. Direction Aulnay, donc cette direction fois. Aulnay, voilà. Prochain arrêt. Prochain arrêt. Ouais. Retour à la gare du RER pour effectuer la première étape du voyage en train, Roissy, parc des expositions. La gare est vaste et semble prête à accueillir les TGV. Une quantité impressionnante de tourniquets électroniques tendent leurs moignons et leurs petites flèches vertes lumineuses aux voyageurs dans l'attente de leur ticket. Mais le propre d'un voyageur qui débarque de New York ou de Cotonou est d'être démuni de tickets, comme de monnaie locale, pour les payer. De plus, la gare de Roissy est la seule de tout le réseau à être dépourvue de distributeurs automatiques de tickets. On voit que dans le RER, il y a un public qui est très divers. En même temps, il y a des voyageurs avec leurs grosses valises et puis des gens qui vont travailler ou qui rentrent du travail. Et c'est ce qui marque un peu le RER B, cette grande diversité de types de publics. Bonjour, c'est Julien Brun. Laurent Davizy, vous êtes économiste, professeur au CNAM, et dans le livre donc les passagers du RER, vous avez consacré un chapitre à la circulation de l'argent. entre les territoires parcourus par le RERB principalement. Oui. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les flux entre les territoires. Si on prend évidemment la région Île-de-France et si on prend en plus les territoires qui sont traversés par un RER, en l'occurrence c'est le RERB, mais ce qu'on peut dire là serait vrai pour les autres RER. Hein. Évidemment que là, c'est la question des flux qui est absolument, absolument majeure. Je vis ici, je travaille là, je ramène l'argent à la maison, etc., etc. Ce qui vous a frappé aussi, c'est, principalement, c'est les écarts de revenus sur une très courte distance, puisque le RERB circule sur 80 km et il y a des écarts de 1 à 6 entre la Courneuve et le 6e arrondissement, voilà, qui est donc desservi lui aussi par le RERB. Quand on regarde ce qui s'est passé, bon, au niveau des inégalités de revenus, on a le 1 à 6, qui est celui qu'on trouve de façon générale en Île-de-France entre les 10 plus riches et les 10 plus pauvres, les communes d'arrondissement. Si je prends maintenant la dynamique de creusement des inégalités, parce que les inégalités ne cessent de s'accroître le long du RER, les communes riches s'enrichissent beaucoup, les communes pauvres s'appauvrissent beaucoup. J'ai pas dit que les riches s'appauvrissent et les pauvres s'appauvrissent. Hein. Les communes riches s'enrichissent parce qu'elles concentrent de plus en plus de riches. Les communes pauvres s'appauvrissent de plus en plus parce qu'elles concentrent de plus en plus de pauvres, notamment de pauvres immigrés, primordiaux, etc. Et si on regarde maintenant le changement de destin de ces territoires lié à la fabrication de ce RER, ça fait presque un demi-siècle hein, maintenant. Si on prend en termes d'urbanisation, il n'y a pas plus de peuplement dans ces territoires-là que dans l'ensemble de l'Île-de-France. La progression démographique est extrêmement médiocre. Alors ça tient au fait que Paris a eu une sorte d'effondrement démographique hein, sur les décennies passées, mais pas que. Le Sud, c'est-à-dire toute la partie qui va jusqu'à la vallée de Chevreuse, hein, a une progression démographique inférieure à la moyenne de la région. Alors que logiquement, quand on fait un truc comme ça, on peut imaginer que ça fasse se développer une urbanisation relativement dense le long de cette voirie. C'est pas le cas. Seulement un peu dans le nord, on a une plus forte progression démographique. De façon générale d'ailleurs, ça c'est frappant, la progression démographique est inversement proportionnelle aux revenus et à la dynamique de revenus des territoires. Dans les territoires de pauvres, les pauvres étant des territoires où il y a énormément de logements sociaux, 30-40% de logements sociaux, là on est sur une progression démographique. Dans les territoires de riches, non. Si je prends maintenant l'économie, l'emploi, on pourrait imaginer que une infrastructure de transport comme le RER est un magnifique instrument de facilitation du fonctionnement des marchés de l'emploi. C'est un transport dont les coûts de fonctionnement sont à moitié payés par les entreprises, donc qui est pas cher. Sur le papier, plutôt écologiquement satisfaisant comme mode de transport par rapport à la bagnole. Pour autant, le long du RERB, l'emploi a progressé beaucoup moins rapidement qu'en Île-de-France. Il a progressé un petit peu moins rapidement, mais presque au même rythme, grâce à Roissy et à Villepinte, enfin ce qui est autour de Roissy. Mais si vous enlevez Roissy et Villepinte autour, les 12% de progression de l'emploi sur la période que j'indique se ramènera à 4%, c'est-à-dire qu'on a une progression extraordinairement médiocre. Donc c'est un peu étonnant, cette espèce d'infrastructure extraordinairement utile, 1 million de gens par jour, donc je suis pas en train de dire que ça sert à rien, hein. Une infrastructure qui n'a pas eu les effets de structuration, de l'urbanisation et de l'emploi qu'on aurait pu attendre. C'est pas une zone d'une très grande densité. Les grands ensembles, ça commence à partir de Sevran. Les grands ensembles, oui, c'est ça. À Villepinte, il y a déjà. Voilà, plusieurs grands quartiers d'habitat social. Et puis Sevran-Beaudotte, c'est une ville qui est marquée par une présence très très forte de l'habitat social, mais aussi quand même beaucoup d'habitat pavillonnaire. Donc ici, on arrive au parc des expositions. Parc des expositions. Donc, qui était censé être un lieu d'attraction économique européen. Station suivante, toujours aussi moderne, vide et maculée, Villepinte. La gare offre cette particularité d'être située très loin de tout lieu habité, et entre autres de Villepinte. Au milieu d'un grand désert qui, sur la carte, prend la forme d'un espace vert bordé de tous côtés d'autoroutes et de voies rapides, et traversé de pointillés incertains. François et Anaïque sortent au soleil sur le parking où dorment des voitures en rang infini. C'est une espèce de mécanique où les classes moyennes partent et sont remplacées par des gens plus pauvres. C'est la spécialisation sociale du territoire qui explique d'ailleurs le creusement énorme des inégalités de revenus. Hein. C'est des spécialisations par mobilité. Ça a amené beaucoup de gens à penser que dans la banlieue nord, de toute façon, la classe moyenne ne va pas y rester, et que c'est comme l'eau qui s'écoule, hein. Par gravité, les gens vont partir automatiquement. C'est complètement faux. On a fait des travaux, j'ai plus les chiffres en tête, mais on a décomposé pour des communes de la banlieue nord, de Seine-Saint-Denis, on a décomposé le solde migratoire des classes moyennes. On a regardé combien était rentré, combien était sorti. Je vais dire des chiffres faux, mais vous avez une commune où il y a moins de 1000 classes moyennes, mais en fait, il y a eu moins 8000 qui ont foutu le camp, plus 6000 qui sont venus s'installer. C'est pas la même chose d'avoir moins de 1000 bruts de décoffrage que d'avoir moins 8000 plus 6000. Ça veut dire qu'il y a même 6000 qui ont quand même eu l'idée de venir s'installer. Donc ça veut dire qu'il y a un curseur sur lequel on peut jouer qui fait que on peut très bien imaginer. Enfin, l'idée d'aller s'installer pour une classe moyenne en Seine-Saint-Denis n'est pas une idée absurde. Voilà. Et la vérité, beaucoup de gens ont cette idée-là. L'enrichissement n'arrive jamais à... Il y a un jeu qui est bien connu, même s'il surprend beaucoup de gens, y compris d'ailleurs les professionnels du secteur de la politique de la ville. Moi, j'ai été confronté à ça, je ne serais pas dedans, de grands responsables de la ville qui disaient c'est terrible parce qu'on met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. On met un argent dingue dans la politique de la ville. Et les indicateurs, notamment par exemple le revenu, ne cessent de se dégrader. Donc, ce que je fais ne sert à rien. Notamment, la personne qui m'avait parlé de ça à l'époque était un des responsables de la politique de la ville française. Je lui avais dit, mais monsieur, est-ce que vous travaillez pour les gens ou pour les territoires? Il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, c'est pareil. Je lui ai dit, pas du tout. On peut très bien avoir une politique qui est bonne pour les gens et très mauvaise pour les territoires. C'est-à-dire ce qui se passe. La politique que vous mettez en place, elle est bonne pour les gens qui habitent dans les quartiers de la politique de la ville. Si elle est efficace en plus, ils vont aller mieux. S'ils vont mieux, ils se barrent, ils partent. Et ils vont être remplacés par d'autres qui vont moins bien. Donc le niveau moyen de revenu du quartier va baisser. Mais en fait, tout le monde va mieux. Ceux qui sont partis vont mieux. Ceux qui viennent vont mieux parce qu'ils viennent d'endroits qui sont pires. Et ceux qui étaient là et qui restent là, bon, ça brûle pareil. Donc finalement, on peut parfaitement avoir une politique qui fasse que, d'une certaine façon, la réussite d'une politique de la ville sur les gens se traduit par une aggravation de la situation du quartier. Ça veut dire que les quartiers de la politique de la ville n'ont pas vocation à être des quartiers normaux. C'est des quartiers qui ont vocation à transformer les gens. Aulnay-sous-Bois. Assurez-vous de ne pas oublier vos affaires personnelles. Please ensure you collect all your belongings. Por favor, no olviden recoger todo su equipaje. Aulnay compte aujourd'hui 80 000 habitants répartis de part et d'autre de la gare. Au nord, sur les champs des anciennes fermes, les cités neuves, comme la Rose des Vents. C'est le nouvel Aulnay prolétaire. Au sud, là où s'installèrent près du canal les premières usines, Radiateur d'abord, puis Westinghouse et Kodak, et où se construisirent les pavillons qui, comme à Frainville, le petit septième, se sont embourgeoisés, c'est l'Aulnay blanc et bien pensant qui vit à l'abri de ses clôtures et de ses féroces toutous. Coincé entre Paris, qu'il voit comme un monstre, et les cités du Nord, inconnues et malfaisantes. Moi, je m'attendais à une petite gare 19e siècle, mais pas du tout. C'est hyper moderne. En fait, on a deux grandes entrées. On a d'un côté l'entrée sur Aulnay-Sud, qui est une ancienne ville de villégiature, qui est avec tout un centre commercial, un centre de petites villes moyennes. Et puis, de l'autre côté, on a accès au bus qui nous emmène dans les zones de quartier grand ensemble d'Aulnay-Nord. Attention, des trains sans arrêt et à grande vitesse circulent dans votre gare. Pour votre sécurité, merci de vous éloigner du portail. Pour aller de l'autre côté, je crois qu'il faut repasser. Donc là, si on traverse toutes les voies, hein, en souterrain, on arrive dans cette gare routière. C'est une espèce de sortie arrière, finalement, de la gare. Hein. Il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de gare, d'ailleurs, ici, il n'y a aucune aménité de la gare. Ils sortent directement du quai pour arriver à la station de bus. Lundi 22 mai, 10h07. Le trajet de la gare d'Aulnay à celle de Blanc-Mesnil dure 2 minutes. À la relecture des notes de François, on a souvent des surprises. Ici, celle qui concerne la gare de Blanc-Mesnil indique c'est la plus dégradée que nous ayons vue. Comme s'il n'avait pas déjà dit cela de toutes les précédentes. Elle est construite contre le mur de soutènement, les pilotis qui la supportent s'élevant du quai, et elle ressemble à un blockhaus couronné de sortes de créneaux. Habituelle solitude de cette heure de la journée. Il y a beaucoup de travailleurs finalement qui rentrent à Paris, qui vont faire que passer par Paris, notamment changer à la gare du Nord, comme nous, on va avoir beaucoup de gens descendre à la gare du Nord finalement. En fait, dans le Nord, c'est quand même toujours une population très, très populaire, une population racisée et une population relativement homogène. On arrive à la Courneuve et on est passé à côté des 4000 qui ont été en partie démolies. Et là, on voit par exemple la SNECMA, qui était une des grandes entreprises de la Courneuve. Donc ça, c'est une station extrêmement récente. La station de la Courneuve existait déjà, mais elle a été complètement refaite. Et c'était un des arguments, notamment quand on a commencé à travailler à la rénovation du grand ensemble des 4000, de se dire que finalement, on était à 10 minutes de Paris et que ce grand ensemble pourrait être valorisé, y compris habité par des classes moyennes, voire même des classes supérieures, parce qu'on était très très proche de Paris. Et finalement, ça n'a pas du tout fonctionné. C'est comme ça parce qu'il y a un poids, il y a une inertie sociale importante qui perdure. Donc là, on voit une série de bâtiments industriels qui, pour certains, sont devenus des lieux culturels. Donc c'est aussi une ville qui est en pleine transformation. Alors c'est la station suivante, la Plaine Stade de France, qui est une création. Oui, la station suivante est une création à l'occasion de la construction du stade. On va voir en arrivant à la station les restes d'une toute petite, d'une des premières cités d'habitat social, la Ruche, construite entre les deux guerres. Donc la station, effectivement, Stade de France, a été refaite à l'occasion de la construction du stade. Il y avait déjà une gare, mais elle a été déplacée en fait. Ouais. Très jolie petite gare d'ailleurs, qui existe toujours, qui est devenue une maison des associations, mais qui a été déplacée. Voilà, ici on a aussi une vue sur les grands ensembles. Donc là, je pense que c'est un bout des 4000 qu'on voit au loin. Et puis voilà, le Stade de France avec son toit hémisphérique. Et puis le canal qui a été une des artères économiques importantes de ce territoire et qui aujourd'hui pourrait devenir une des artères touristiques et paysagères de ce territoire. Ce qui est très frappant, c'est que la Plaine Saint-Denis, par exemple, l'emploi s'y est développé, mais le nombre de gens qui habitent à Saint-Denis et qui travaillent à Saint-Denis a stagné, voire diminué. Donc en fait, le RER a permis de créer un spot d'emploi pour des gens, je vais aller très vite, pour des Parisiens, des gens des Hauts-de-Seine, mais pas pour des habitants de la Seine-Saint-Denis. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont travailler à Paris, même si ça diminue, qu'il y a des gens qui en sortent des cadres dans des métros où ils sont pas trop serrés, où ils peuvent s'asseoir, et ils rentrent des employés, ou des ouvriers des services, eux qui sont compressés dans les voitures. Donc il y a un décalage, une forme d'inégalité qui renvoie à des questions sociales entre ce qu'il y a à l'intérieur des métros qui rentrent, des RER qui rentrent, et ceux qui sortent de Paris tous les jours. Il est 5h30 et le RER est complètement comble. On arrive à peine à y rentrer. Avant même d'atteindre Paris. Avant même d'atteindre Paris. D'ailleurs, tout le monde n'a pas pu monter. Voilà, on traverse ce qu'on appelle Plaine Commune. Voilà l'ancienne gare, qui est ce petit bâtiment en brique rouge qu'on vient de voir. Et puis en face de nous, le Sacré-Cœur. Donc voilà, l'un des symboles de Paris et de l'écrasement du peuple parisien. Donc, s'ils choisissent bien leur rame, slow ou suto, celle-ci doit les déposer en quelques coups de bogie sur le quai d'Arcueil-Cachan. Finalement, c'est Cole qui se présente pour cet office. Malheureusement, ils n'en jouissent que quelques instants. Cole s'engouffre dans le tunnel de la gare du Nord, se laisse glisser le long des grands quais mal éclairés, s'arrête et pousse un long soupir où se mêlent angoisse et soulagement. Les lumières s'éteignent, puis dans le silence qui suit, la voix de Cole se fait entendre. Il s'avère qu'elle a l'accent de Perpignan et elle annonce que par suite de perturbations sur le réseau, l'interconnexion n'étant pas assurée, tous les voyageurs doivent descendre du train. Bertrand Lambert, vous êtes journaliste à France 3 pour l'émission Parigo, donc vous arpentez quotidiennement le réseau de transport urbain. Comment on peut expliquer l'extraordinaire enthousiasme qu'a suscité la naissance du RERB et l'exaspération qu'il crée actuellement ? En fait, c'est assez simple. Aujourd'hui, la ligne est exploitée à la fois par la SNCF au nord et par la RATP au sud. Et le RERB, c'est une ligne à la base bricolée, hein, parce qu'en fait, ce sont deux bouts de ligne qui ont été reliés au milieu des années 80. La première, celle qui vient sud, elle date comme de 1846, donc elle n'a jamais été conçue pour le mass transit. Le mass transit, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans nos villes, c'est cette nécessité de transporter beaucoup de monde très loin, très vite. C'était une ligne de campagne, cette ligne sud du RER B, et la ligne nord, elle vient sur les lignes grandes lignes qui n'avaient pas vraiment été conçues non plus pour avoir des trains aussi nombreux et aussi les uns après les autres. C'est des TGV qui passent pas toutes les 3 minutes normalement. Donc cette ligne, elle a été bricolée. Et elle a eu un succès fou dès le début parce que c'était le seul axe nord-sud qui existait en Île-de-France. Mais il faut se souvenir qu'au milieu des années 80, il y a 25-30 ans, c'était la ligne du bonheur, le RERB. C'était cuicu les petits oiseaux. Elle était moderne, elle avait des trains modernes, ce qui n'était pas le cas encore des autres lignes de la région. Parce que les trains qui sont encore en circulation aujourd'hui ont été conçus en 1979 et en 1984, ce fameux EMI 79, EMI 84. Donc au milieu des années 80, il y avait du matériel moderne, il n'y avait pas tant de monde que ça. Et comme tout allait très bien, et ben tout le monde s'est dit, elle est bien cette ligne, donc je vais venir habiter à côté. Et les maires se sont dit, ben je vais construire des bureaux à côté. Il y a eu une explosion démographique qui s'est liée en fait à un manque d'investissement chronique. Au moment où la ligne allait bien, on s'est dit, il n'y a pas besoin d'anticiper quoi que ce soit. Tout va bien, on va s'occuper de ce qui ne va pas. Et résultat, en 25 ans, le nombre de personnes prenant le RERB a augmenté presque par deux, plus 80%. Alors que les réserves capacitaires pour augmenter le nombre de trains, elles sont quasiment nulles depuis 15 ans. Donc on a réussi à en mettre un petit peu plus de trains au début et après on n'a pas plus. Donc ce qui se passe aujourd'hui, le problème, c'est pas que c'est une ligne qui est malade. Cette ligne, la régularité est plutôt correcte. Certes, il y a de nombreux incidents et le problème de cette ligne qui n'a pas été conçue comme une ligne de mass transit, c'est quand il y a un accident au Bourget, il se répercute jusqu'à Orsay. C'est très problématique pour l'exploitation des trains puisqu'il faut quand même se dire que c'est à chaque fois deux voies. Il n'y a pas de troisième voie, il n'y a pas de quatrième voie. Il y a des voies de secours éventuellement du côté SNCF côté nord, voies de secours qui vont être prises par le fameux CDG Express dont on reparlera peut-être tout à l'heure, mais côté RATP il n'y a pas de voie de secours, donc quand il y a un malaise voyageur, une rame en panne, un problème de signalisation, on ne peut pas passer à côté. Donc c'est vrai que c'est un vrai problème. Donc tout le monde s'est amalgamé autour de cette ligne. Moi j'appelle le RERB, c'est la nouvelle bétaillère, c'est-à-dire que même quand tout va bien, les gens, notamment dans la partie sud, n'arrivent pas à rentrer dans les trains. Et il n'y a absolument aucune marge de manœuvre. Aujourd'hui, il y a environ 20 trains par heure qui passent, c'est 35 000 personnes par sens et par heure qui passent, c'est déjà beaucoup. On ne peut pas en faire plus, surtout que ce fameux tunnel central du RERB commun au RERD, puisqu'il a été conçu pour le B, puis après on s'est dit on va faire passer le D aussi dedans. En fait, c'est un goulot d'étranglement, parce que là aussi, il y a deux voies pour deux lignes. On a fait beaucoup d'études pour se dire, est-ce qu'il faut doubler ce tunnel? Ça coûte près d'un milliard d'euros. C'est pas tant que ça, hein. Le CDG Express va coûter 2 milliards d'euros. Mais on n'a jamais décidé parce que c'est très compliqué de faire des travaux dans Paris. Vraiment, c'est très complexe. Donc, en fait, ce RERB, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, on bricole. On bricole en mettant de la clim dans des rames qui datent des années 84, donc avec un système électrique qui n'a pas changé. Donc, ça saute. C'est vrai que cette ligne, elle allait bien et elle s'est dégradée très très rapidement, et nos élus et les opérateurs n'avaient pas vraiment d'attention sur cette ligne, et ce qui fait qu'on arrive à cette situation d'aujourd'hui. Un autre grand sujet, Bertrand Lambert, c'est la création du CDG Express. Alors le CDG Express, pour moi qui réfléchis en termes d'usagers et de mass transit, c'est une hérésie absolue. Puisqu'on parlait tout à l'heure des 1 million de personnes qui prennent le RER B, donc ils vont pas tous sur la branche nord, bien évidemment. Mais on voit à peu près le nombre de personnes que ça représente. Et là, on a investi 3 milliards d'euros d'ici 2024-2025 pour faire des travaux et avoir des nouveaux trains. Et là, pour cette ligne du CDG Express, on va investir plus de 2 milliards d'euros pour, selon les estimations les plus hautes, 20 000 personnes par jour. Donc déjà, il y a un problème d'échelle. Cette ligne, elle va donc permettre de relier la gare du Nord à l'aéroport de Roissy, qui effectivement a un problème de desserte, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de la moitié des voyageurs qui prennent le taxi pour aller à Paris. Donc, il faut trouver une solution plus écologique, évidemment. Mais au lieu d'imaginer un tracé propre en creusant un nouveau tunnel, on vient greffer, en fait, cette nouvelle navette sur une partie des lignes du RER B. Donc, on ne vient pas exactement sur les deux voies qui sont aujourd'hui dédiées au RER B, on vient sur les deux voies qui sont adjacentes et qui, en cas de problème, servent de voie de secours au RER B. Donc toute la question est de savoir, le jour où il y a un problème sur le B, 1 million de personnes par jour, de l'autre côté, le CDG Express, 20 000 personnes par jour, comment répartit-on la priorité sur ces deux voies annexes ? On nous dit, bon, ben, on fera passer moins de CDG Express, c'est pas bien grave, tout ça. Mais dans les faits, on ne sait pas ce qui va se passer. Ce qui est incroyable, c'est qu'il ne bénéficiera absolument pas aux utilisateurs du quotidien, puisqu'on parle d'un billet à 24 euros, que le Pass Navigo pourra servir une fois dans l'année, on fait un petit cadeau pour aller prendre son avion, si on veut, de temps en temps. Mais quotidiennement, de toute façon, le CDG Express passera dans les mêmes gares que le RER B, il verra les quais bondés, il verra les rames bondées, mais il ne s'arrêtera pas pour prendre des gens, alors que lui-même sera vide. C'est complètement hallucinant. Frédéric Gilly, vous êtes professeur à l'école urbaine de Sciences Po et co-directeur de l'agence Grand Public. On vous retrouve ici pour continuer notre parcours sur les RER B, ici à Denfert-Rochereau, donc l'ancien terminus. C'est l'ancien terminus de la ligne de Sceaux. D'ailleurs, on le voit à la forme de la gare qui est arrondie. On n'a plus la trace aujourd'hui par les quais ou quoi que ce soit, mais elle est arrondie parce que c'était l'endroit où se retournaient les trains qui faisaient Paris-Sceaux, puis après... Paris-Orsay, puis après encore plus loin. Vous étiez usager de cette ligne ? Ah ben moi, c'est par cette ligne-là que j'ai connu la région parisienne. J'ai fait mes études, une partie de mes études au lycée Lacanal à Sceaux. J'habitais entre Sceaux et Bourg-la-Reine. Et c'est la voie, c'est la ligne qui me raccrochait à Paris, où il y avait les sorties, les cinémas et les librairies. Ce qui, quand on fait les études de lettres, est plutôt, les études littéraires, est plutôt utile. Et c'est une ligne historique desservant le sud de Paris. Elle a été construite au milieu du 19e siècle. Et en fait, l'interconnexion vers le nord avec la ligne Paris-Mitry, elle remonte à la fin des années 70. Et donc il y a beaucoup de Parisiens encore vivants aujourd'hui qui ont connu ici le terminus de la ligne vers le sud, quoi. Alors ce qui est assez amusant, c'est que à l'origine, elle desservait le parc de Sceaux, elle desservait... Après, elle a desservi la banlieue sud, mais dans une banlieue sud qui n'existait pas vraiment encore. Puisque à cette époque-là, Massy doit y avoir 1500-2000 habitants. Il n'y a pas grand monde qui... C'est pas une ligne pour faire du domicile-travail comme aujourd'hui. Parce que là, il est 14h30, 15h, il n'y a pas grand monde. C'est à l'heure de pointe, c'est la ligne qui amène tout le sud de Paris travailler dans le centre. Quand on est d'ailleurs à Châtelet, les quais sont très bien faits, c'est-à-dire que la ligne B sud se vide pour remplir la ligne A vers l'ouest, et on a une transhumance tous les matins sur les quais. Donc là, en fait, on va la prendre dans l'autre sens, en heure creuse. Mais l'expérience normale de la ligne B du RER, c'est du sud vers le nord, tassé avec les odeurs, les bruits et des fois les grèves. C'est une ligne, quand elle est créée, elle fait assez vite faillite, et dans la foulée, il la prolonge, donc justement pas pour faire venir des gens de plus loin, parce qu'il n'y a personne, essentiellement pour alimenter Paris en matières premières, du grès qui vient des plateaux là, de vers Lozère, et tous les fruits et légumes qui vont alimenter Paris en primeur. Et d'ailleurs, on va voir en se promenant le long du RER que une des conséquences directes de l'extension de la ligne, c'est qu'en amenant les fruits et les primeurs de plus loin, on va pouvoir libérer pour l'urbanisation tous les terrains qui servaient auparavant à Sceaux, à Cachan, à Arcueil, à produire ces primeurs, et on va les libérer pour de l'urbanisation. Et donc la première vague d'urbanisation de la proche couronne parisienne dans les années 1900 à 1930, qui répond dans le cœur de Paris au projet haussmannien et au fait que les pauvres n'ont plus la possibilité véritablement de vivre là, et ben elle va se faire le long de cette ligne du fait de la libération massive de terrains auparavant agricoles. Et ça va développer un paysage classique et typique de la proche couronne parisienne, le mélange de ces pavillons en meulière, de ces pavillons loucheurs, qui sont les deux, les formes d'habitat qui caractérisent pour tout le monde la proche banlieue parisienne. Jeudi 1er juin, suite. Et voici donc dans le sud. Et c'est comme si le soleil était plus vif, la nature plus riante et l'air plus léger. Fini la plaine sans perspective et presque sans paysage. Ici, la banlieue ondule et verdoie. La gare d'Arcueil-Cachan se trouve sur le versant ouest d'une vallée, qu'enjambent les arcs étroits d'un haut et mince aqueduc aux piliers élancés de meulière. En face, sur l'autre versant, s'étagent des pavillons, des cités et des barres de briques. À la lisière du plateau, on distingue minuscule les voitures qui filent sur l'autoroute du Sud. Et plus loin encore, sur le plateau même, l'hôpital Gustave Roussy, écrasant la vallée de sa haute masse de forteresse médiévale, en acier et en verre, couronnée d'un donjon. En fait, cette ligne de RER B, elle est très très différente selon qu'on est au nord ou au sud. D'ailleurs, c'est Emmanuel Vigneron qui a fait un travail très intéressant de documentation sur les inégalités de santé et d'espérance de vie. L'évolution des taux de mortalité depuis Paris vers le nord, les taux de mortalité augmentent de quasiment 30% entre Paris et Blanc-Mesnil. Et les taux de mortalité baissent dans des proportions à peu près similaires quand on descend dans le sud vers Orsay. Donc c'est une ligne qui matérialise les inégalités sociales en Île-de-France. Et puis par ailleurs, selon qu'on la prend vers le nord ou vers le sud, on a deux histoires. Elle raconte deux histoires complètement différentes de ce qu'est Paris. Quand on va vers le nord, on a sous les yeux la géographie économique et sociale de la région parisienne aujourd'hui. Les endroits où elle crée de la richesse, les endroits où il y a des tensions sociales. Quand on la prend vers le sud, comme on va le faire là, on a sous les yeux l'histoire urbaine de Paris. Et donc là, on a de la chance, on a un direct. Quand j'étais étudiant, j'aimais bien les directs. Au niveau de la station Arcueil-Cachan, vous avez dessous des travaux extraordinaires en cours pour faire passer sous le RER la ligne 15 du futur Grand Paris Express. Oui, c'est là, voilà. On voit les trous, on voit le chantier gigantesque qui est en train de transformer toutes les villes pour le coup de la petite couronne. Je dirais d'amener dans les villes de petite couronne un niveau de densité proche de celui qu'on a dans Paris. On est en train, à beaucoup d'endroits, de voir les fameux pavillons dont je parlais tout à l'heure rachetés et transformés en immeubles de 4, 5, 6 étages. Les pavillons partent comme des petits pains et sont transformés, densifiés, avec des projets immobiliers assez conséquents qui répondent aux besoins de logement de la région parisienne. On a besoin de construire. L'estimation, c'est qu'il y a besoin de construire à peu près 70 000 logements par an. Le problème, c'est que ça crée une forte émotion dans la population dans toutes ces villes, parce que, d'une part, ça se traduit par une bétonisation massive, et d'autre part, c'est une inflation des prix de l'immobilier qui fait craindre à tout le monde d'être chassé de l'endroit dans lequel il a grandi, où il envisage de vivre. Ça, c'est entre Paris et Bourg-la-Reine, à peu près. Donc c'est là, pour le coup, c'est là où on a toute l'ambivalence de ce que les transports amènent dans une ville. Ça permet aux gens de plus facilement se déplacer, mais ça fait monter énormément les prix. Juste avant Bourg-la-Reine, le train ralentissait. Et l'on avait le temps d'admirer une installation de maraîcher modèle, avec ses serres et ses allées rectilignes parcourues de rails sur lesquels circulaient des petits wagonnets. La traversée de Bourg-la-Reine était un moment important du voyage. Le direct ne s'y arrêtait pas davantage qu'ailleurs. On avait juste le temps d'apercevoir la bifurcation vers Robinson. À cet instant, éclatait presque toujours un drame. Il se trouvait un voyageur pour s'apercevoir qu'il avait pris le mauvais train. Nous exprimions alors une commisération appuyée. Nous nous sentions comme une grande famille face à cet ignorant des choses élémentaires. Je suis sûr que tous, nous étions secrètement déçus quand il ne se produisait rien. Quand on a le choix entre une rame ancienne et une rame nouvelle, on préfère prendre la nouvelle. Et alors c'est assez rigolo parce que... Ah, on n'a pas regardé où il allait. Vous avez regardé où il allait? Oui, il va à Massy. Et d'ici 2025, il est question de mettre des trains à deux niveaux, comme ceux qui équipent aujourd'hui la ligne A. Et alors là, on est à la Croix-de-Berny. On passe au-dessus de la 86. Donc c'est un endroit... une station à laquelle de plus en plus de RER font un arrêt, parce que dans cette logique d'intermodalité, quand vous descendez de la station, vous avez des bus rapides qui sont connectés en dessous, donc une interconnexion RER-bus qui permet de rabattre sur la ligne de RER des habitants de Fresnes ou des habitants de... Et c'est, alors pour la petite histoire, c'est aussi cette station-là qui permettait notamment d'aller... à pied, pas loin, là, vous avez Centrale, les anciens bâtiments de Centrale, puisque Centrale a bougé vers le sud. Alors Polytechnique est parti de la station Luxembourg pour aller sur le plateau de Saclay. Centrale est parti de la Croix-de-Berny pour aller à Saclay, elle aussi. De la même manière que le NS Cachan, où on était tout à l'heure, est en cours de départ vers le plateau de Saclay. On vient de quitter Massy-Verrières, on arrive à Massy-Palaiseau. C'est un point de jonction avec le RRC. Alors, oui, la gare de Massy-Palaiseau est un endroit où la ligne nord-sud se branche et s'interconnecte avec une ligne de grande ceinture qui joint donc Juvisy à Versailles. La deuxième particularité de cette gare, c'est qu'on est branché sur une gare TGV, qui est une des trois gares TGV. En dehors de Paris intramuros, il y a Roissy, il y a Marne-la-Vallée, Chessy, et il y a Massy-Palaiseau. On descend ici. On descend. Donc là, on est à Massy-Palaiseau, c'est beaucoup plus monumental, surtout pour une ville qui avait combien, 1500 habitants à la moitié du siècle dernier, c'est ça? Oui. Massy, c'est 6000 habitants en 1954, au recensement. C'est le moment où la ville commence sa première vague de croissance. La première vague de croissance, en gros, ça va amener la ville autour de 40 000 habitants en 68. Donc en 15 ans, la ville passe de 6000 à 40 000 habitants. C'est une urbanisation qui se fait à la mode de l'époque, hein, c'est-à-dire un urbanisme très séparé avec les zones industrielles. Il y a les champs ronds juste à côté, avec de l'habitat en grande barre, de l'habitat social. C'est avec de l'ouvrier, c'est le moment où c'est une volonté. Alors, il n'y a pas... c'est pas une ville nouvelle. C'est une zone de triage, une gare de triage historique dans la région parisienne. Il n'y a pas de volonté délibérée d'organisation de l'aménagement. La ville a été en grande partie bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale parce que c'était un verrou ferroviaire stratégique. Pour voyager en toute tranquillité, nous vous invitons à faire attention à vos sacs, téléphones ou tout autre objet personnel. C'est le cas, on embarque Après Palaiseau, on rentre dans des paysages beaucoup plus verts, naturels, dans lesquels on a de la maison individuelle, sur des parcelles en général un peu plus grandes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bourgs, des centres-villes, mais on a une beaucoup plus grande place laissée à la verdure dans la ville. Attention, ce train est en direction de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Il desservira toutes les gares. Merci. On les a vus, le beau temps revenu, monter à pied de la station de la Haquinière, très loin, presque au bout de la ligne déjà, vers les belles villas qui dominent le vallon au flanc duquel est perché Gomès-le-Châtel. Ce fut la journée la plus bucolique de leur périple. Ils étaient perdus là, au cœur de la campagne française. Et de l'église, ils découvrirent quelque chose d'aussi précieux qu'un arc-en-ciel, un paysage. Les lignes harmonieuses des bois, la fuite des chemins à travers champs et prairies, quelques villages nichés dans les arbres, et au loin, les tours des Ulysses. Un paysage. Ils n'en avaient pas vu de complet depuis Villepinte. La ligne B, elle amène dans la vallée de Chevreuse, qui est le parc naturel régional le plus proche du centre de Paris. En 35 minutes, 40 minutes, depuis Denfert-Rochereau, vous êtes vraiment à la campagne. Je dirais pas qu'on découvre, enfin, on voit des fougères, les choses comme ça, parce que ça, pour le coup, on en a depuis le début. Comme à plein d'endroits, la ligne est encaissée dans la ville, les talus qui bordent la ligne sont déjà très verts. Mais là, la ville s'ouvre complètement. Attention à la marche en descendant du train. Donc là, on s'arrête où ? On peut s'arrêter à Orsay. En fait, Orsay, c'est le début, c'est l'entrée dans la vallée de Chevreuse. Après, vous avez toutes les villes sur l'Yvette, Bure-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Courcelles-sur-Yvette. En fait, là, sur cette partie-là, la vallée de Chevreuse est définie par le cours de l'Yvette. La ligne se faufile comme ça. Par exemple, à Orsay, elle passe entre la ville et l'université. Mais on voit, quand on regarde autour de soi, on voit la taille des maisons qui a augmenté, la taille des jardins qui a augmenté, en partie parce qu'ils n'ont pas encore été divisés, et d'ailleurs l'air même a changé. On respire un air meilleur. Alors là, on est à la station Lozère, qui dessert l'école polytechnique et tout le campus de Saclay pour le moment, en attendant qu'il soit connecté par la future ligne 18. Elle est célèbre, cette station, pour tous les... Si vous voulez monter sur le plateau, vous avez, je crois, 300 marches qui montent. Les polytechniciens appellent ça le sentier de la gloire. C'est par là qu'ils sont montés quand ils ont réussi le concours, les élèves. Vraiment une petite gare du 19e siècle avec un petit... Alors on a l'impression d'être en province, à la campagne. Et plus on va s'enfoncer dans la vallée de Chevreuse, plus la densité de construction va diminuer. Sur la fin de la vallée de Chevreuse, entre Courcelles et Saint-Rémy, la ligne traverse la forêt. C'est une expérience assez amusante, c'est de prendre ce même RER là, le dimanche en fin d'après-midi, depuis Saint-Rémy. Vous avez des randonneurs qui reviennent, des familles qui reviennent, et il est assez, vu qu'il y en a un toutes les demi-heures, il est assez chargé, mais il n'est pas pris d'assaut non plus. Oui, on voit des canards, on voit des étangs, on voit des... Orsay, ville. On descend là ? On peut descendre là. Ou pas, on peut continuer, on peut aller au terminus. Orsay, ah ben, okay, ville. Ça a l'air beau. Ouais. On est bien installé. Orsay a pendant un moment été le terminus donc, de la ligne de Sceaux. Et puis c'est l'endroit où le gouvernement, dans les années 50, décide d'installer au vert les ingénieurs et les chercheurs de la région parisienne. En accumulant ici... à la fois des grandes entreprises, vous avez Alcatel, Thales, EDF, qui installent des centres de recherche tout autour du plateau. Vous avez des grandes universités. Alors là, on passe devant l'Institut Curie, le site d'Orsay de l'Institut Curie, l'Institut d'Optique, vous avez des instituts de recherche en mathématiques, où les médailles de Fields viennent se mettre au vert pour réfléchir. On a besoin de calme pour réfléchir. Là, on va arriver, on arrive vers le terminus, Saint-Rémy-les-Chevreuses. On est à la limite entre l'Essonne et les Yvelines, enfin, en plein cœur du parc naturel régional de la vallée de Chevreuse. Et si on continue là, en fait, à pied, on va vers la forêt de Rambouillet, on va voir les panneaux qui vont nous indiquer les endroits emblématiques les châteaux, qui sont les anciennes demeures des grandes familles de nobles de la région parisienne. On n'est pas très loin de Versailles. Oui, c'est ça. Il y a toujours, pas toujours, mais il y a souvent des châteaux en terminus, hein, du RER, c'est vrai. En fait, les terminus de RER sont dans des endroits dans lesquels l'urbanisation n'a pas mangé toute la région parisienne, n'a pas fait disparaître toutes ses traces. Et il se trouve que, historiquement, la région parisienne, depuis des siècles, c'est une grande capitale politique, économique. Donc vous n'avez pas juste Versailles et le Louvre. Vous avez les demeures des grands du royaume, qui sont un petit peu partout. On est passé à côté du parc de Sceaux. Le parc de Sceaux, c'est le parc qui entoure le château. Saint-Rémy-les-Chevreuses. C'est le parc qui entoure le château de Colbert. Saint-Rémy-les-Chevreuses. Assurez-vous de ne pas oublier vos affaires personnelles. Please ensure you collect all your belongings. Por favor, no olviden recoger todo su equipaje. Moi, la dernière fois que je suis venu ici, j'ai croisé des sangliers, j'ai croisé des cerfs et des chevreuils. C'est assez déstabilisant. C'est pas quelque chose où on se dit, on prend le RER, on sort, paf, on va tomber là-dessus, quoi. Et pourtant, c'est dans la région parisienne. RERB, Voyage social, par Christelle Le Polotec et Anne Fleury. Au bout de la gare de Saint-Rémy, la voie unique a longtemps été fermée par un passage à niveau toujours baissé. Aujourd'hui, il a été remplacé par une grille, ce qui fait plus définitif. Au-delà de la route de Limours, la voie continue et s'enfonce dans les arbres, vers le château de Coubertin. Ils continuent le long des rails rouillés, doublent une patrouille de scouts en file indienne, suivant leur piste et portant haut leur totem. Et voici la fin de la voie, le butoir. Au-delà, c'est la jungle où s'enfoncent les scouts. Avec Frédéric Gilly, Marie-Hélène Baquet, Bertrand Lambert et Laurent Davzy. Merci à Adrien Poyati et Julien Noble. Stagiaire Ada Kersero, lecture Samuel Glomé. Prise de son Fabien Gosset et Claude Niort. Mixage Alain Joubert. Coordination Perrine Kervoan et Marie-Vonne Abolivier. Usagers, aiguilleuses, banlieusardes, contrôleurs, conductrices ou cheminots, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter au retour de la randonnée, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Bolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et pendant 15 jours, grâce à Tank, notre partenaire, vous pouvez voir La mort de Danton, un documentaire d'Alice Diop, qui termine en ce moment un documentaire sur le RER. Il y a un lien tout exprès sur la page de l'émission. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, une histoire particulière, une vie, une œuvre et l'expérience.